Je suis vraiment très heureux d'avoir reçu cette invitation de Paolo Prodi et surtout qu'elle soit tombée dans des circonstances me permettant de venir ici aujourd'hui. Cela dit, je vais vous demander la permission de parler français parce que je comprends l'italien quand on le parle lentement, comme on fait les deux rapporteurs. Mais je ne me risquerai pas à le parler moi-même. Et pour ne pas vous infliger un trop long discours en français qui vous serait fatigant, je vous propose peut-être, si vous le permettez, que je fasse maintenant une première et courte intervention sur un point en vous demandant la permission de revenir au fil de la discussion sur d'autres questions. Et je partirai donc du point préalable qui est l'inventaire, l'inventario des sources, des fonti, car c'est le préalable duquel nous partirons tous et nécessairement. Et ce préalable ne va pas tout à fait de soi, pas seulement parce que en France ou en Italie, les sources ne sont pas conservées dans les mêmes institutions. En France, nous avons la chance que en principe, toutes les archives ecclésiastiques antérieures à la Révolution française sont dans des dépôts publics, archives départementales surtout, en principe, mais il y a des exceptions. Que ensuite, pour le 19e et le 20e siècle, 800 et 900, elles sont dans des archives diocésaines relativement accessibles. D'autant que les diocèses étant devenus moins nombreux, le problème était simplifié. Ce que je voudrais dire au point de vue de l'inventaire des archives, des sources des visites pastorales, c'est la question suivante. Est-ce que la conservation des visites anciennes est due au hasard ou non? Est-elle totalement aléatoire, comme on pourrait le penser, ou non? En effet, lorsque nous avons cherché des visites pastorales antérieures, disons d'ancien régime, dans un certain nombre de diocèses, nous avons constaté où on nous a dit « il n'y en a plus ». Dans d'autres, nous en avons trouvé abondamment. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a des aléas qui sont parfaitement compréhensibles. Des guerres, des incendies ont détruit des dépôts d'archives. Ici, Gabriel El Rosa parlait de tremblements de terre. Nous n'avons heureusement pas cela en France. Mais il y a un autre motif de conservation ou non-conservation. C'est l'intérêt que les anciennes autorités ecclésiastiques ont porté ou non à la chose. Lorsque j'ai exploré récemment des archives anciennes du diocèse de Rouen, en Normandie, j'ai trouvé de nombreuses liasses de visites des archidiacres, et sur la chemise de la liasse était écrit, je ne saurais dire exactement à quel moment, avait été écrit sans intérêt à détruire. Pourquoi est-ce que l'ordre n'a pas été exécuté, je ne sais pas. Mais nous pouvons penser que dans beaucoup d'autres endroits, la même indication a été donnée et qu'on a effectivement mis dans le feu ou fait des emballages avec les procès-verbaux de visite pastorale. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'avant d'être un devoir pastoral, la visite est un droit. La visite est d'abord l'affirmation d'une juridiction. Et Les visites les plus anciennes que nous conservons sont conservées dans l'optique d'une juridiction approuvée. C'est pourquoi très souvent, les plus anciennes, celles du Moyen-Âge... Et anche d'une taxe da pagare. Aussi, oui, il faut prouver la juridiction pour faire rentrer la taxe. Mais il faut prouver la juridiction vis-à-vis de tel chapitre de chanoine, de telle abbaye qui s'oppose à la visite. Et donc, c'est dans cet esprit qu'ont été conservées nos visites les plus anciennes, celles du Moyen-Âge. Je crois que le plus ancien procès-verbal de visite, nous l'avons à Rouen aussi, c'est un Anglais qui me l'a signalé, de 1220. Pardon. Mais, en dehors de cela, nous avons de nombreux signes indirects que les visites ont été faites, que des visites ont été faites. C'est pourquoi, dans un inventaire, nous ne regrettons pas du tout, et nous le faisons plus que jamais, d'avoir choisi de repérer tous les signes et toutes les traces et tous les témoignages indirects de la visite faite. Cela permet d'abord de relativiser les choses, cela permet aussi de défendre, vous me direz que c'est peut-être pas très utile, la mémoire de tel ou tel évêque, de telle autorité qu'on pourrait juger négligente parce qu'elles n'ont pas laissé de traces de visite. Elles ont visité autant que d'autres, mais elles n'ont pas conservé. En revanche, la conservation a pu se faire par des copies distribuées dans les paroisses, par des indications sur les registres paroissiaux, etc. Donc, quand nous avons partout où un chercheur chez nous a voulu prendre à bras le corps le problème des visites d'un diocèse donné, partant d'un constat d'absence, diocèse de Langres, par exemple, sur lequel dont le chercheur a rendu compte dans un article de la revue d'histoire de l'Église de France, en cherchant, en fouillant de partout, il a trouvé, on trouve des traces de la visite, et dans le diocèse de Langres, il remonte, je crois, jusqu'à l'an 1000. C'est un optimum, mais ce ne sont que des tests, des signes, des procès-verbaux, il en a relativement peu trouvé. Est-ce totalement aléatoire? Je dirais que non seulement c'est aléatoire dans un premier temps, mais je dirais que c'est aussi reposant. Quand un chercheur sérieux nous dit « il n'y a pas de visite conservée du diocèse de Vienne ou du diocèse de... » ou du diocèse de Quimper, nous disons tant mieux, car des visites, nous en avons plus que nous voulons. Mais ce que nous voulons arriver à ce que tout de même quelqu'un de sérieux, après enquête poussée, puisse nous attester qu'il n'y a plus de visites conservées. Pourquoi des visites conservées ici et moins bien là? Est-ce tout à fait le hasard? Je ne suis pas sûr quand même, quand je constate que la région de France pour laquelle nous avons les plus belles séries, les plus longues séries, celles qui commencent au Moyen-Âge, au Trecento, et qui se poursuivent jusque, pour nous, mon équipe, jusqu'à la Révolution, ces régions sont généralement dans le sud-est de la France. C'est-à-dire nos plus belles, nos plus longues séries, sont à Grenoble, à Gap, à Genève, en Provence, à Lyon. Et c'est une des choses que j'attends de l'enquête que vous ferez ici en Italie, du simple inventaire que vous feriez déjà en Italie, c'est de voir si cette constatation que nous faisons dans le sud-est de la France correspond à une continuité géographique avec l'Italie du Nord. Et ça serait assez intéressant. Car je pense tout de même que les visites les mieux conservées sont peut-être aussi celles où elles ont été le mieux faites. quand une chancellerie épiscopale a fait soigneusement ou fait faire soigneusement ses visites, peut-être ensuite a-t-elle un plus grand souci de les préserver, de les conserver. L'autre pôle de la qualité de la visite, de la série de visites, je crois que c'est la Normandie, j'en fais l'expérience actuellement, et à ce moment, c'est intéressant aussi parce que la continuité géographique se fait avec l'Angleterre. Il y a un juridisme, un bureaucratisme anglo-normand dès le Moyen-Âge, dont nos célèbres visites d'Eudes de Rigaud au XIIIe siècle en France sont un témoignage qui ensuite a une continuité que j'observe. Voici en ce qui concerne l'inventaire. Pour terminer avec l'inventaire, les problèmes d'inventaire, un problème de périodisation soulevé par Turchini et De Rosa. En France, nous avons coupé à la Révolution française. Deux équipes ont travaillé en bonne harmonie, mais avec beaucoup d'indépendance, de sorte que je pourrais mal vous rendre compte du travail fait et achevé, totalement achevé, par mes collègues du 19e et 20e siècle. Pourquoi couper ? Parce que les circonscriptions ecclésiastiques sont totalement modifiées par la Révolution française et l'Empire. Et que par conséquent, dans une présentation de répertoire par diocèse, nous n'aurions eu aucune continuité réelle. En revanche, je ne serais pas d'accord avec Gabriel De Rosa sur une périodisation fondée sur la différence de style de visite. Je pense qu'au contraire, l'intérêt d'un répertoire codé de la façon dont nous l'avons envisagé, mais ça je ne vais pas en parler maintenant, est de faire apparaître au fil de 4, 5 ou si possible 7 siècles les évolutions, les différences de style de visite entre une visite du Trecento, du Cinquecento, du Settecento, etc. Je pense donc qu'il faut le moins couper possible. Si vous avez la possibilité de tenir un même découpage géographique depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, essayez d'inventorier dans la continuité. Je m'arrêterai là pour vous remercier.